إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، كان لنا وقفات في الخطبة الماضية مع الثلاثة المهلكات التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر، الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله تعالى في السر والعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وفي هذه الخطبة بإذن الله سنتوقف على الثلاث المنجيات. La semaine dernière, durant le discours dernier, nous avions parlé des trois choses destructrices qui ont été rapportées dans le hadith d'Abdullah ibn Umar, un hadith jugé bon, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a trois destructrices, trois choses qui protègent, trois expiatrices et trois choses qui élèvent dans les degrés. Quant aux trois destructrices, c'est le fait de suivre ou d'obéir à une avarice, de suivre ses passions et d'être prétentieux. Quant aux trois choses qui préservent et sauvent la personne, c'est le fait d'être juste et équitable, que la personne soit en état de colère ou non, c'est d'être économe, en état de pauvreté et de richesse, et c'est de craindre Allah Azza wa Jal, seul comme en assemblée. Et les trois expiatrices qui sont le fait d'attendre une prière après une autre, d'accomplir ses ablutions dans des conditions difficiles et de marcher vers la mosquée pour y accomplir la prière en groupe. Et quant aux trois choses qui élèvent en degré, c'est de nourrir les pauvres, de se passer mutuellement le salut et de prier la nuit pendant que les gens dorment. وأول هذه المنجيات العدل في الغضب والرضا، وهو أمر عزيز جدا في الناس، وذلك أن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل. فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل على شدة إيمانه وأنه يملك نفسه، فهو الشديد حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها المسلمون، لقد أمر الله تعالى بالعدل في القرآن في غير موضع، منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وقوله تعالى فلذلك فليدع واستقم, فذلك فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ورسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يأمر بالغضب العدل في الغضب والرضا, وهكذا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. La première de ces protectrices, de celles qui sauvent, c'est d'être juste et d'être équitable, en état de colère comme en état de sérénité, et c'est une chose très importante. Ceci car en général, la colère amène la personne à ne pas dire la vérité et à être injuste dans ses paroles et dans ses actes. Celui qui arrive à être juste et à être équitable à la fois dans ses paroles et dans ses faits et gestes, même en état de colère, ceci est une preuve de sa grande foi. Et c'est lui, et c'est cette personne qui est considérée en islam comme étant forte, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le fort, ce n'est pas celui qui gagne ses combats de lutte, mais celui qui est fort, c'est celui qui sait se maîtriser lorsqu'il est en colère. Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran, dans plusieurs versets, d'être équitable et d'être juste. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah vous l'a ordonné. Et un autre verset où Allah Azza wa Jal dit, Allah vous ordonne et vous a commandé l'équité, la bienfaisance et d'assister vos proches. Et également Allah Azza wa Jal a dit, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Dis la vérité, sois juste dans tes paroles, même si cela concerne les personnes que tu aimes le plus sur cette terre. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne également d'être juste même envers les personnes que nous haïssons, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Ma'ida, ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الجزاء لأهل العدل والقسط فقال صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من على منابر من نور على عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا يوم القيامة إمام عادل وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'immense récompense qui est réservée aux personnes qui sont justes et équitables. Le hadith de Abdullah ibn Amr al-As rapporté dans Sahih Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les justes seront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala assis sur des chairs de lumière, ils seront assis à droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa kilta yadayhi yamin, et les deux mains d'Allah azza wa jal sont droites. Les deux mains d'Allah azza wa jal sont droites, ainsi doit être la croyance du musulman vis-à-vis des noms et attributs d'Allah azza wa jal, de les attester, de les attribuer à Allah azza wa jal, comme il se les est lui-même attribué, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ou comme lui a également attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna authentique. Allah Azza wa Jal a donc deux mains qui sont droites, Comment sont-elles? Allahu a'lam. Il est interdit de demander le comment, mais il est obligatoire de croire et d'attester qu'Allah Azza wa Jal a deux mains. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui sont justes dans leur jugement, ceux qui sont justes envers leur famille et ceux qui sont justes envers les personnes qu'ils ont sous leur commandement. Et dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens les plus aimés chez Allah, le jour du jugement, et ceux qui seront le plus proches de lui, seront les gouverneurs justes, et les gens les plus détestés chez Allah, et ceux qui seront le plus éloignés de lui, seront les gouverneurs injustes. وَلِعِظَمِ شَأْنِ الْعَدْلِ وَمَنْزِلَتِهِ فِي الشَّرْعِ كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ولذلك أيضا كان من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الإمام العادل كما في سنن الترمذي. Également, ce qui montre la grande place et l'immense importance de la justice et de l'équité en islam, c'est le fait que ceux qui seront justes, et en particulier les gouverneurs justes, seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'ombre, d'autre ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le gouverneur juste, ses invocations sont exaucées, comme l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi dans ses sunan. Il faut également être équitable et juste envers ses enfants. Ayyuhal muslimoun, wa amma al-khaswatu thaniyati min al-umuri munajjiyah, فهي القصد في الفقر والغنى وهو أمر مهم جدا أيضا وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مقتصدا في حال فقره وغناه والقصد هو التوسط فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به كما أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وإن كان غنيا لم يحمله غناه على الصرف والطغيان بل يكون مقتصدا أيضا قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. La deuxième chose qui protège et qui sauve le musulman, c'est le fait d'être économe dans la pauvreté, dans la richesse. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était économe lorsqu'il avait les moyens et lorsqu'il était pauvre sallallahu alayhi wa sallam. Et l'économie, c'est de trouver le juste milieu. Celui qui est pauvre, de ne pas se priver des biens qu'il a, et celui qui est riche, de ne pas gaspiller et de dépenser au-dessus de ses capacités. Et ainsi, à éduquer Allah Azza wa Jal, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est rapporté dans Surat al-Isra, où Allah Azza wa Jal s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant selon le sens, ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est-à-dire, ne sois pas avare. Et Allah Azza wa Jal lui a dit dans le même verset, et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te retrouveras blâmé et chagriné. Blâmé si tu as été avare et chagriné, c'est-à-dire tu regretteras si tu as gaspillé tes biens. Celui donc qui est riche, sa richesse ne doit pas l'emmener ou l'amener à gaspiller son argent, mais il doit être économe, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils ne gaspillent pas, ils ne sont pas avares, mais ils sont entre les deux. وذلك هو النهج الذي أراده الله لعباده المؤمنين ولكنك حين تتأمل واقع كثير من الناس اليوم رجالا ونساء فإن عينيك لن تخطي مظاهر كثيرة من الخلل في الالتزام بهذا النهج الإسلامي فثمة طائفة من الناس يعيشون في هذه الدنيا ليأكلوا ويغدون ويروحون ولا هم لأحدهم إلا أن يجمع على مائدته ألوان الطعام فعن عبد الله بن عمر قال تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة والحديث صحيح ومن المعروف طبيا أن عددا كبيرا من الأمراض الشديدة والعلل المنهكة ينشأ من اكتضاض المعدة بما لا تطيق هدمه. وفي الحديث ما ملأ الله آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كما في سنن الترمذي، والحديث صحيح. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال ما ألبس من الثياب، فقال ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك فيه الحكماء. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه سيء الهيئة فقال له هل لك من شيء، يعني هل لك من مال؟ قال نعم، من كل المال قد أتاني الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان لك مال فليرى عليك، أي أنفق هذا المال واشتري ملابس يحسن النظر إليها، كما في سنن النسائي بسند صحيح. C'est donc le chemin du juste milieu qu'il faut prendre, c'est-à-dire dépenser sans gaspiller et sans être avare. Et celui qui regarde et qui contemple l'état des musulmans à notre époque, il verra qu'ils ne suivent pas ce chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ne vivent que pour boire et manger et n'ont de but que de se concurrencer les uns des autres, qui aura la meilleure voiture, qui aura la maison la plus belle, qui lorsqu'il invite ses proches aura la table la plus garnie. Ceci n'est pas la voie que nous a tracée Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar rapporte et dit qu'un homme a rôté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Épargne-nous ton rôle, car « فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » Car ceux qui, durant leur vie, se seront goinfrés seront ceux qui connaîtront une grande fin le jour du jugement. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ وَمِنَ الْمَعْرُوفِ Il est connu médicalement que beaucoup de maladies sont dus à une trop grande consommation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, il nous a guidé, il nous a conseillé sallallahu alayhi wa sallam, au point que des médecins étaient étonnés de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani et rapporté par Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le fils d'Adam ne remplit pas une chose pire pour lui que son ventre. Il suffit au fils d'Adam de manger quelques bouchées pour qu'il tienne debout. Et s'il n'a pas d'autre choix, alors qu'il réserve un tiers, c'est-à-dire de son estomac, pour la nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Et également, la personne doit être économe dans ses vêtements. Un homme a demandé à Abdullah ibn Omar « Que dois-je porter comme vêtement ?» Il lui a répondu « Mais ce que ne t'enviera pas les personnes malsaines et ce que ne te reprocheront pas les personnes sages. » Et un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète alayhi wa sallam l'a vu mal habillé, mal coiffé. Le prophète alayhi wa sallam l'a questionné « As-tu quelque chose ? » C'est-à-dire « As-tu des biens ? As-tu de l'argent en ta possession ?» Il a dit « Oui, j'ai de l'argent qu'Allah Azzawajal m'a donné. » Et le prophète alayhi sallam lui a répondu « Que cet argent se voit en toi, que le bien qu'Allah Azzawajal t'a accordé, que la richesse qu'Allah Azzawajal t'a accordée, même si elle est minime, qu'elle se voit sur toi et que ta richesse ou que ton avarice ne te prive pas de t'acheter des vêtements qui sont au minimum présentables. » Ayyuha al-Muslimoun, inna al-tawassuta lubbul fariḍa. وهو أن تملك الحياة الدنيا لتسخرها في بلوغ المثل الأعلى وأن لا تحرم من الحياة أصلا فتقعد ملوما محصورا وهذا ما علاه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والتأدة يعني التأني والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. Chers musulmans, le juste milieu, c'est d'utiliser et de profiter de cette vie d'ici-bas pour atteindre celle de l'au-delà et de ne pas te priver de cette vie d'ici-bas au point d'être malheureux et chagriné. Et c'est ce que le prophète sallam a voulu dire. Dans le hadith authentique emporté par Al-Bukhari, où le prophète alayhi sallam a juré et a dit « Je jure par Allah que ce n'est pas de la pauvreté dont j'ai peur pour vous, mais j'ai peur que vous soyez la proie de cette vie d'ici-bas et que vous vous concurrenciez comme se sont concurrencés ceux qui vous ont précédés et qu'elles vous anéantissent comme elle les a anéantis. » Et dans un autre hadith authentique rapporté par Al-Tirmidhi, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « As-samtul hasan » la bonne présentation et la quiétude dans le comportement, c'est-à-dire le fait d'être calme, d'être tranquille, d'être serein, et l'économie, c'est-à-dire d'être économe, de ne pas être avare et de ne pas être gaspilleur, fait partie des 24 parties de la prophétie. Fait partie des 24 parties de la prophétie. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أما الخصلة الثالثة المنجية فهي خشية الله عز وجل في السر والعلن، وهي أن تخشى الله ظاهرا وباطنا في الغيب والشهادة. وكثير من الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن خشية الله في الغيب إذا غاب عن أعين الناس، وهؤلاء هم الذين امتدحهم الله عز وجل في بقوله الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وكان بعض السلف يقول زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه. ومن هذا قول بعضهم ليس الخائف من بكى فعصر عينيه، إنما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرم إذا قدر عليه. La troisième chose qui protège et qui sauve le musulman, c'est la crainte d'Allah Azzawajal. Lorsque la personne est seule ou en compagnie, c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur de toi comme à l'extérieur, c'est-à-dire ce que tu montres aux gens comme œuvre. Et beaucoup de gens attestent qu'un tel est pieux, qu'un tel craint Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il voit de lui. Or la crainte a lieu lorsque la personne est livrée seule avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il est à l'abri du regard des gens, c'est à ce moment-là que la personne sait si elle craint Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Et c'est cela qu'Allah azza wa jal a fait l'éloge dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit ceux qui craignent Allah dans l'invisible et ont peur de l'heure, de l'arrivée de l'heure. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont isolés. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans un autre verset ceux qui craignent le tout miséricordieux lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils ne sont vus de personne, et ceux qui viendront avec un cœur qui et repentant. Et les salafs disaient souvent Celui qui craint Allah ou celui qui est craintif, ce n'est pas celui qui pleure et qui essuie ses larmes, mais c'est celui qui délaisse ce qu'il aime, qui délaisse ce qu'il a envie parmi les choses interdites lorsqu'il a la capacité de les faire. Celui qui craint Allah Azza wa Jalla, ce n'est pas celui qui pleure et qui essuie ses larmes ou qui les fait sécher. C'est celui, lorsqu'il est seul et a la possibilité de faire une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, a la possibilité de faire un péché, quelque chose qu'il désire, quelque chose qui le passionne, mais qui le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans que personne ne le voie. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يبشرهم بهذا الأجر فقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. أيها المسلمون اعلموا أن الله ناظر إليكم ومطلع عليكم سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم. قال الشاعر فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قول علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفى عليه يغيب. يا الله عز وجل a annoncé la bonne nouvelle à ceux qui craignent Allah عز وجل lorsqu'ils sont isolés, lorsqu'Allah عز وجل s'adresse à son prophète صلى الله عليه وسلم et dit son le sens, tu mets en garde ceux qui suivent leur appel et qui craignent le tout miséricordieux, lorsqu'ils sont seuls, annonce-leur la bonne nouvelle d'un pardon et d'une récompense immense. Craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit, il vous regarde, il entend vos paroles et il est connaisseur subhanahu wa ta'ala de vos intentions et des actes que vous commettez. L'auteur a dit, un poète a dit, فَإِذَا مَا خَلَوْتَ الدَّهْرَ يَوْمًا فَلَا تَقُلْ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَيَّ رَقِيبُ. Lorsque tu te retrouves un jour tout seul, ne dis pas je me suis retrouvé seul, mais dis plutôt il y a quelqu'un qui me surveille. Et ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce que tu fais, ne serait-ce qu'un laps de temps, et ne pense pas que ce que tu fais qu'Allah Azza wa Jalla n'en a pas connaissance. ولذلك عظم ثواب من اطاع الله سرا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ومن ترك المحرمات التي يقدر عليها سرا. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإنهم أخفوا العمل لله سبحانه وتعالى فأخفى الله لهم الجزاء. Et ce qui montre également la grande récompense qu'auront ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont seuls, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit ils s'arrachent de leur lit en invoquant leur Seigneur par crainte et par espoir, et de ce que Allah Azza wa Jalla leur a donné, ils donnent en aumône. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Ces âmes ne savent pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a caché comme récompense. Et les savants ont dit que ces personnes cachent leurs actes, leurs bonnes actions, ils les cachent pour ne pas que les gens les voient, et Allah Azza wa Jal en retour leur cache une grande récompense et elle ne leur sera dévoilée que lorsqu'ils entreront au paradis bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ammal hala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-khashyah wa fi al-sahihayn min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وقال عبد الله بن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus craintive vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me rendais chez mes femmes et je trouvais une datte tombée sur le tapis. Je la prenais pour la manger et j'avais peur que ce soit une datte issue des aumônes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille, Allah azza wa jalla leur a interdit de consommer les aumônes, quelle que soit cette aumône, que ce soit de l'argent ou de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille leur a été interdit de consommer l'argent ou les biens d'aumône. Et le prophète alayhi sallam, voyant une date sur son tapis, ne la mangeait pas de peur que cette date fasse partie des aumônes qui lui ont été données ou qui ont été données afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam distribue. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: le croyant, c'est celui qui voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne et craint que cette montagne ne tombe sur lui. Et le pervers, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, voit ses péchés comme une mouche qui passe sous son nez et il la chasse avec sa main. Wa qala al-Hasan radiyallahu anhu: i'malu bit-ta'at واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليكم إن المؤمن جمع إيمانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. Et Al-Hassan radiallahu anhu a dit: accomplissez les obéissances et faites des efforts et craignez qu'elles ne soient pas acceptées de vous. Le croyant, c'est celui qui a réuni la foi et la crainte, et l'hypocrite, c'est celui qui a réuni le mal et l'espérance, c'est-à-dire qu'il commet et ne cesse de commettre des péchés et espère qu'Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Le musulman et le croyant n'est pas comme cela. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et craint Allah subhanahu wa ta'ala, craint son châtiment dur et douloureux, mais il craint aussi que ses bonnes œuvres ne soient pas acceptées de lui. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala أن يرزقنا خشيته سبحانه وتعالى في السر والعلن، وأن يرزقنا القصد في الفقر والغنى، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العادلين المقسطين في الغضب والرضا. وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى